Dans le cadre des activités de solidarité pour l'application parfaite des tâches de programme précisées par le dirigeant suprême Kim Jong-un dans son message de Nouvel An, l'Association générale des Coréens en Chine a organisé un rendez-vous à l'occasion du jour de l'an du calendrier lunaire avec les présidents des organisations des Coréens de nationalité chinoise à Shenyang, Chine, et y a expliqué le contenu du message du Nouvel An. La présidente Choi Eun-bo et autres permanents de l'association générale, le président de l'association des personnes âgées d'origine coréenne de Shenyang et président du bureau des affaires commerciales de l'association des personnes âgées d'origine coréenne de la province de Liaoning, le président de l'association de vieux professeurs d'origine coréenne de Shenyang, le chef du groupe des conférenciers formés des anciens soldats de l'armée des volontaires de Shenyang et autres compatriotes ont participé au rendez-vous. Choi Eun-bo a expliqué le contenu du message du Nouvel An et appelé tous les compatriotes à partager la même volonté avec le peuple de la patrie pour contribuer particulièrement à la prospérité et à la réunification de la patrie. Les présidents des organisations des compatriotes ont déclaré que les membres de toutes les formations des compatriotes dans la ville de Shenyang ont la certitude que sous la conduite lucide du dirigeant suprême Kim Jong-un, la patrie socialiste déjouera la provocation odieuse des forces alliées impérialistes et deviendra la plus forte puissance dans le monde. Ils ont exprimé l'intention d'élargir davantage les relations avec l'association générale. Les participants ont assisté au spectacle artistique et dansé tous ensemble pour passer un moment agréable.